C'était en début de semaine, un mardi. Dehors, il pleuvait des cordes. Les rues pavées qui cernent la bibliothèque avaient disparu sous l'eau. On aurait pensé à un océan. Et au milieu, une île pleine de livres, presque déserte, car le mardi c'est calme. Les adultes sont au charbon, les mômes à l'école. Moi, j'étais immergé dans un roman d'Émile Ajar, qui me parlait de Marie Noire, et d'un ancien boxeur amoureux sans excès d'une chanteuse réaliste. D'ailleurs, ça ressemblait moins à un roman qu'à une conversation intime au comptoir d'un bistrot, une sorte de confidence d'auteur faite à son lecteur, de lui à moi. Je pourrais même donner le titre, mais ça ne ferait pas avancer la locomotive plus vite. Il faut juste dire ce qui est essentiel. À la sortie de son roman, Émile Ajar n'était pas une locomotive, mais plutôt un écrivain génial, non identifié dans le paysage littéraire, un farceur bondissant, qui avait raflé deux fois la mise au Goncourt et plus tard, mais bien plus tard, on allait savoir qui se cachait derrière ce prénom démodé, ce nom en forme de paquet de lessive, et quelques-uns ne furent pas surpris, paraît-il, surtout les recalés du prestige, mais en vrai, son entourloupe avait dupé tout le monde. Et encore plus tard, on apprit que l'auteur s'était suicidé d'une balle dans la tête. Lui qui avait insufflé une telle rage de vivre à ses personnages, une espérance en l'avenir proche de la vertu théologale. Pourquoi cette volonté fracassante d'en finir, qui ressemblait beaucoup à du stoïcisme romain, va savoir. Oui, je pourrais donner le titre, mais je préfère me souvenir qu'au moment précis où le boxeur allait baiser avec la chanteuse réaliste, par gentillesse, pour rendre service, au moment où M. Émile me chuchotait à l'oreille « Tu vas voir ce que tu vas voir, mon salaud !» J'étais dans le grand salon de lecture, le rouge, celui qui est face à la porte, quand tout à coup j'ai senti la chaleur disparaître, comme aspirée par le tourbillon d'un gouffre océanique. Le livre d'Émile a failli me tomber des mains. C'est la chanteuse réaliste qui ne va pas être contente, j'ai pensé, à l'instant où elle allait grimper au septième. N'empêche, je ne suis pas un lecteur par gentillesse. Elle est entrée dans la bibliothèque la tête basse, abritée sous un vieux manteau gris dégoulinant de flotte, a refermé son pépin en douceur, sans faire plus de bruit qu'un petit moineau défait qui replie ses ailes en arrivant au nid. Tu vois la scène, j'espère. Le piaf trempé qui débarque, se secoue les plumes. Et dans la crèche, son mioche attend le casse-croûte, impatient, énervé, il est seul. Ses frangins sont morts de faim ou bien il les a virés. Son bec est grand ouvert. Tu croirais qu'il va bouffer un bœuf. Mais il n'aura guère plus qu'un vermisseau à moitié crevé de peur à se mettre sous la langue. Parce que sous la dent, pour un bébé moineau, c'est difficile. Est-ce que les vermisseaux ont peur avant de mourir? Et voici qu'elle entre. J'avais Émile bien en main, à présent, les pouces à hauteur du plumard sur lequel l'ancien boxeur baisait la chanteuse réaliste. Et peut-être que la gentillesse, à force de limer, était devenue du désir. On aurait pu entendre grincer les ressorts du lit. Je l'ai regardée. Elle m'a souri. Et tout soudain, l'île au livre, mon île, cette montagne de papier que je croyais déserte et inamovible, s'est transformée en arche de Noé. Le petit moineau défait a viré colombe, la pluie est devenue déluge, l'eau des rues a secoué un océan. Mon cœur s'est mis à battre la tempête et puis j'ai ouvert grand la bouche, si grand que j'aurais pu becquer un bœuf moi aussi, ou bien recevoir un baiser. Voilà, c'est comme je vous le dis. C'est un développement bien court pour les prémices d'une histoire d'amour, je l'avoue. D'autant plus court que les mois précédents, je m'étais intéressé aux classiques du 19e. Ah, en voici des besogneux de la plume. Ils m'avaient habitué à un autre panache, les bougres. Jamais avare sur les détails quand il s'agissait de peindre la première fois. Cette toute première fois qui met deux âmes en présence. Et il y avait toujours là-dedans du prolixe truffé de superlatifs en couleur. Même s'ils oubliaient de préciser qu'avant cette rencontre, il en avait eu mille autres, qu'il n'avait pas entraîné plus de conséquences que la chute d'une feuille en automne. Mais il faut bien que l'histoire avance. Moi, j'essaie d'imiter, à mon niveau, avec une pénurie de moyens directement liés à ma paresse et aussi, peut-être, au pinard que Nordine versait dans nos verres. C'était la première fois que je la voyais, mais ça ne voulait rien dire. Peut-être que la fille venait depuis longtemps. Une bibliothèque, ce n'est jamais qu'un labyrinthe de bouquins où les visiteurs se perdent, se croisent, sans vraiment se voir, s'aperçoivent de loin. Parce que pendant que tu déjeunes chez Voltaire, eux, ils prennent le thé avec Proust. toujours en silence. Il cause pas. Il bouffe des madeleines et tourne les pages en levant le petit doigt. C'est pas du grand vacarme. Sauf le mercredi quand les gosses débarquent et foncent au rayon des BD. Ils se mettent à trois ou quatre sur le même album, les marmots. Et dans le tas, il y a toujours un petit rouquin à la traîne qui râle, mais silencieusement, juste en hochant la tête. Si les autres tournent la deuxième page avant qu'il ait fini la première. Et tu peux prédire sans risque d'erreur que ce môme-là, il sera toute sa vie à la bourre. Cause que sa lenteur congénitale aura le poids d'un boulet. Il restera un peu plus faiblard que la moyenne, aussi un peu plus gros, pour compenser. Toute sa vie, il ne lira que les moitiés d'albums. Mais à la décarade, il arrivera peut-être au terminus en même temps que ses potes. Pas comme dans la nature, où les plus faibles s'en sortent rarement, crèvent avant de devenir gros. Dans une portée de chaton, exemple, celui qui n'arrive pas à choper son biberon, les frangins le houspillent sans scrupule, et sa mère n'a aucune considération pour lui. C'est un perdant, il termine à la poubelle, c'est la loi. Parfois je me dis que si chez nous ça se passe autrement, plus peinard, c'est grâce aux livres, à des mecs comme Voltaire et Rousseau, qui te causent un mot feutré de justice et d'humanité, de compassion larmoyante. Et notre loi, elle a prévu la conditionnelle. Alors je suis plutôt fier, limite fanfaron, de vadrouiller à la bibliothèque pendant que les chatons, insouciants de leur destin, batifolent avec une souris en plastique. Qu'ainsi j'éviterai la poubelle, après avoir fouillé dedans. D'autres fois, je ne suis pas loin de penser que les animaux et nous, c'est du kiff-kiff. Surtout si tu traînes dans des bleds qui ne savent rien de Voltaire. On a demandé que les gosses soient cantonnés dans une salle à part, mais la responsable de l'accueil, Madame Fargeau, elle a dit non, jamais. Elle n'était pas contente, Madame Fargeau. La fille au manteau gris, peut-être qu'elle venait depuis longtemps, mais pas aux mêmes heures, sans son manteau gris, sans le parapluie. Et ça ne changeait rien au fait que je l'avais trouvée belle, dès le premier regard. Quand je parle de sa beauté, je ne fais pas référence aux traits du visage, ni à ses formes empaquetées dans le manteau gris, non. Je crois que c'était autre chose, un phénomène indéfinissable qu'on ne trouve que dans les livres, mais pas tous. Voilà, c'est comme dans une forêt profonde, obscure, et soudain, une clairière minuscule où l'on ne tient qu'à deux dedans, et après c'est une autre forêt, mystérieuse, incertaine. Mais là, bien sûr, je n'étais pas dans un livre. Je voyais son sourire, ses grands yeux étonnés, qui semblaient me dire des gentillesses. Que j'étais un vieux con encore joyeux, propre sur lui, sachant lire. Et il tentait de faire un grand nombre de promesses hypothétiques, des promesses de mirage, les yeux. Je n'ai pas trop eu le temps de dresser la liste. Tout ça s'est passé en quelques secondes. Elle a ôté son manteau qui devait peser une tonne avec toute cette flotte dedans. Puis elle est allée se perdre dans le labyrinthe et je ne l'ai plus revue ce jour-là. Le soir, en arrivant à la maison, je me suis souvenu qu'à l'origine, il y avait cette idée bizarre d'écrire une belle œuvre. Le moment était peut-être venu d'en poser les bases. J'ai pris un cahier, un stylo et je me suis appliqué à écrire la première phrase. Il pleuvait depuis toujours, mais j'avais le cœur sec. J'ai pensé que c'était un bon début pour une belle œuvre, avec juste ce qu'il fallait de tristesse enfouie et de joie en devenir. Ça m'a ouvert grand l'appétit. Je me suis baffré une choucroute garnie qui avait plus de garniture que de choux. Je me tapais sur le ventre et j'insultais à voix haute le bébé moineau dont la pitance aléatoire augurait mal de son envol. Sans le savoir, j'étais entré en dinguerie. 6 mois plus tard, nous étions en juin. La pluie avait cessé de tomber depuis belle lurette et mon œuvre n'avait pas progressé d'une virgule. Cette première phrase, « Il pleuvait depuis toujours, mais j'avais le cœur sec », qui m'avait semblé attractive, ne voulait plus rien dire à présent, car il faisait beau de tous côtés, dans mon ciel et dans mon cœur. Il aurait fallu la remplacer par une formule mieux adaptée à la situation, une formule moins métaphorique. Chaque jour, je rentrais de la bibliothèque, tantôt heureux, tantôt désespéré, selon que j'avais lu un bon ou un mauvais livre, que j'avais revu ou pas Madame Roberts. C'est le nom qu'elle m'avait donné du bout des lèvres, derrière une stratégie d'approche tarabiscotée que je vous raconterai plus tard. Il n'y a pas urgence. Mais je peux quand même révéler aux intimes, à mon pote Momo, à la frangine Colette, bref, aux affamés du sentiment, qu'elle avait murmuré en baissant les yeux. Roberts, avec un S, et tout de suite après, l'avait ajouté, enfin, avec TS. Et je me souviens qu'à cet instant, je n'avais pu m'empêcher de penser que cette confidence ressemblait à une tentative de suicide, à cause du TS. Sans doute aussi parce que j'étais persuadé qu'il y a dans chaque rencontre amoureuse une prise de risque non calculée, de part et d'autre, comme une roulette russe dont l'unique balle peut éclater la tronche. Chaque jour donc, je rentrais à la bibliothèque, prenais le cahier, l'ouvrais à la première page, saisissais un stylo bleu, bien décidé à poursuivre coûte que coûte cette œuvre que j'avais souhaitée belle et grande, mais rien ne se passait. La veine était épuisée. La phrase écrite au stylo bleu me narguait, semblait contenir à elle seule tout l'ensemble de mon potentiel imaginatif proche du degré zéro. Fallait me rendre à l'évidence, je n'étais qu'un aborton de la plume. Je compris qu'il n'y avait pas 50 possibilités accessibles. Ou bien j'écrivais une fiction, un roman qui tournerait autour de la pluie et d'un cœur sec, accouché au forceps, ou bien je faisais un roman de ma vie passée, celle des errances douloureuses et sans éclat dans les rues de Paname, période qui s'étalait sur 15 ans. C'était jouable. La matière première ne manquait pas. Et même en forçant le trait, je ne risquais guère une plainte en plagiat de Gensu, le patron dans le genre. Écrire sur le présent, je ne devais pas y penser. Mon décor et mes personnages n'avaient pas plus de consistance que le sable. Il m'aurait fallu posséder une imagination débordante pour transformer ce sable en rivière de diamants. Mon décor, c'était la petite ville de province dans laquelle je m'étais réfugié. Les personnages que je côtoyais, peu nombreux et peu reluisants, n'arriveraient jamais, pensais-je, à donner des palpitations romanesques aux éventuels lecteurs du premier-né de l'œuvre, la grande et belle œuvre, absolument, que je m'étais promis d'enfanter. Je rayai la phrase d'un trait rageur, et ce fut comme une souffrance, l'impression de commettre une lâcheté, d'abandonner un chien de race devenu corneau sur le bord d'une route départementale. Il n'y avait plus à tergiverser maintenant. Le roman de ma vie se trouvait derrière moi, dans les rétros, 15 années inscrites en lettres de froid, de faim et de sang, 15 années qui avaient été nécessaires à la gestation d'une grande et belle œuvre, absolument, et cette phrase rayée d'un trait rageur n'avait plus aucune espèce d'importance. J'avais une histoire à raconter, une histoire vraie, qui pouvait commencer à n'importe quel âge, sous n'importe quel ciel, pluvieux ou ensoleillé, dans n'importe quel cœur, sec ou inondé de bonheur, et déjà, je savais qu'elle allait me conduire à Madame Roberts avec T.S. Cette histoire, à son sourire timide et ses grands yeux étonnés, c'était rien qu'une affaire d'organisation. La nuit à l'écriture, la journée à la bibliothèque.